Chapitre 4e, tout s'explique. 8 jours environ après ces événements, le vieux Pascog se trouva en besoin de nouveaux domestiques. Plusieurs des anciens l'ayant quitté pour des raisons diverses, il s'adressa à un bureau de placement, demandant qu'on lui envoyât d'urgence quelques valets de ferme, robustes et connaissant leur métier. Le lendemain, 3 gaillards vigoureux et bien découplés se présentèrent à lui. Il les engagea, non sans avoir examiné attentivement chacun d'eux. Il s'agissait de savoir qui il introduisait dans la maison. Le premier, Sir La Burlette, avait l'air d'un brave garçon. Il avait une bonne figure rose, avec des yeux ronds, dans lesquels se lisait une conscience tranquille qui n'a rien à se reprocher. Le second, un certain Case, ne semble pas être doué d'une intelligence et d'une perspicacité à toute épreuve, mais il avait des muscles solides, et pour ce qu'on lui demandait, c'était l'essentiel. Quant au troisième, il avait l'air complètement idiot. À le voir, il semblait incapable de compter jusqu'à 3. Pour comble de disgrâce, il était affligé d'un bégaiement incurable, et l'on avait toutes les peines du monde à comprendre ce qu'il bredouillait. Quand il vint se présenter au régisseur, celui-ci le regarda bien en face et tressaillit légèrement. Il lui semblait que les traits de ce visage offraient une vague ressemblance avec ceux de... Mais non, cela ne pouvait être. Cet air stupide, ces petits yeux clignotants, cette bouche fendue jusqu'aux oreilles, non, il se forgeait des chimères. Il n'y avait pas là la moindre ressemblance, même lointaine, avec l'homme dont le souvenir l'obsédait depuis une semaine qu'il avait reçu la visite de Pinkerton. Il engagea donc les 3 hommes pour la durée de la moisson, et ils se rendirent aussitôt au champ pour se mettre à la besogne. Mais, chose singulière, dès que le 3e, il avait dit s'appeler Plesseur, quitta le bureau du régisseur, son visage se modifia instantanément et prit une expression beaucoup moins inintelligente. On eût dit que c'était un masque qu'il retirait tout à coup. Si Pascog avait pu voir cette brusque transformation, cela lui aurait sans doute donné fort à penser, et les soupçons éveillés un instant dans son esprit par la ressemblance fugitive qu'il avait cru surprendre sur les traits de Plesseur en eussent reçu une nouvelle force. Les jours suivants, toutes les fois que Pascog allait inspecter les ouvriers au champ et qu'il s'approchait de Plesseur, celui-ci reprenait l'air stupide qu'il s'était donné le jour où il était venu se présenter. D'ailleurs, aucun reproche à lui faire. De tous les moissonneurs, il était un des plus laborieux et des plus robustes. C'était cela surtout que le vieux régisseur remarquait. Il était satisfait de constater que ce Plesseur, qu'il avait failli ne pas engager sans trop savoir au juste pourquoi, était un de ses meilleurs ouvriers et faisait la besogne de 2 hommes. Une semaine s'écoula de nouveau et un beau soir, Pascog fut informé par le directeur de l'hôpital de Somersworth que son maître était à peu près rétabli et qu'il reviendrait chez lui dès le lendemain. Le vieillard, très heureux que la guérison eût marché aussi rapidement, donna immédiatement les ordres nécessaires pour qu'on dît à Freddy Tuckerton, au moment où il rentrerait dans son domaine, une réception enthousiaste. Il s'agissait de fêter brillamment son heureux rétablissement et de lui témoigner la joie que tous ressentaient de le voir échapper au terrible danger qu'il avait couru. Bien entendu, Pascog n'oublia pas de télégraphier à Nat Pinkerton comme il avait été convenu. Sitôt prévenu, le maître prit le train qui partait de New York à minuit, de façon à être à Somersworth dès la pointe du jour, c'est-à-dire longtemps avant que Freddy Tuckerton rentrât chez lui. Il tenait à être là de bonne heure pour prévenir tout attentat de la part du redoutable adversaire du jeune Tuckerton. Le vieux Pascog, prévenu par dépêche de l'arrivée du détective, était venu le chercher à la gare. Tous deux se dirigèrent vers le domaine en suivant à pied la grande route. Déjà, le soleil se levait à l'est. Dans les champs qui tous appartenaient à Tuckerton, les moissonneurs étaient occupés à faucher le blé, à lier les gerbes et à les charger sur les charrettes. Tout en s'entretenant avec Pascog, Pinkerton s'arrêtait tantôt à un endroit, tantôt à l'autre, observant les groupes d'ouvriers. Dans un des champs qui bordait la route se trouvait justement Plesseur. Dès qu'il vit arriver Pascog et Pinkerton, il donna de nouveau à sa figure cette expression de stupidité sous laquelle il masquait sa physionomie habituelle. Il n'avait d'autres vêtements que son pantalon et sa chemise, et, les manches retroussées, il piquait avec une fourche les gerbes toutes liées et les élevait à bout de bras pour les passer à un autre moissonneur qui les entassait sur une charrette déjà à moitié pleine. Pinkerton fit halte de nouveau, contemplant cette scène, puis il se remit en marche. Il me semble, Mr. Pascog, qu'en mon absence, vous avez engagé de nouveaux ouvriers. » Le régisseur le regarda d'un air surpris. « C'est vrai, dit-il, mais comment le savez-vous ? » « Parce que je viens de voir là des gens qui n'étaient sûrement pas chez vous la dernière fois que j'ai passé, » répondit tranquillement le détective. « Mais c'est merveilleux. Comment vous avez gardé aussi exactement la mémoire de chaque physionomie ? Pas précisément, n'exagérons rien, mais par contre, je suis certain d'avoir vu aujourd'hui de nouvelles figures. C'est vrai. J'ai engagé pour la moisson trois nouveaux ouvriers qui sont justement dans ce champ. Ah ! Et pour aucun de ces trois hommes, vous n'avez rien remarqué de particulier ? Non, quoi donc ? Vous savez bien, une certaine ressemblance avec une physionomie déjà vue antérieurement. Mon Dieu, monsieur Pinkerton, je vous répondrai si, au moins pour l'un d'eux, celui qui s'appelle Placer, et que vous voyez là-bas, en train de charger des gerbes de blé sur la charrette. Pendant un quart de seconde, j'ai eu l'impression fugitive d'avoir déjà vu cette figure-là quelque part. Mais je vous le répète, cela eut à peine la durée d'un éclair. Puis je me suis dit que c'était impossible, que j'avais la berlue. « Pourquoi donc, monsieur Pascog ?» demanda le maître. « Pourquoi cette affreuse grimace que fait ce gaillard ne serait-elle pas volontaire et destinée précisément à vous empêcher de remarquer une ressemblance compromettante ?»« Mais c'est impossible, il ne pourrait pas le faire comme ça continuellement. »« Continuellement, non. Et ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, mais plusieurs heures de suite. Votre Placer me paraît un gaillard parfaitement capable d'un tour de force de ce genre. » Qui, à vrai dire, n'en est pas un, puisque des centaines d'acteurs l'exécutent journellement. Et à qui avez-vous eu l'impression qu'il ressemblait, votre Placer ? Ma foi, à William Warney. À William Warney, et vous ne m'en dites rien. Parce que je suis convaincu de m'être trompé. La ressemblance, je le répète, est insignifiante. Il est impossible que cet homme soit le fils du vieux Warney. Et moi, je vous dis que c'est lui, répliqua Pinkerton. Sur un ton d'absolue certitude. Je n'ai jamais vu son père, il est vrai, et ne puis donc dire que je constate une ressemblance quelconque entre les deux hommes. Mais par contre, j'ai remarqué une chose. « Quoi donc ?» s'écria le régisseur, très ému. « C'est vous-même qui m'avez raconté que le jeune Warner avait voulu, dans un accès de colère, se livrer à des voies de fait contre son père. Celui-ci l'avait frappé avec sa faux et lui avait fendu le bras droit depuis le poignet jusqu'à l'omoplate. C'est exact, n'est-ce pas ?»« Oui, eh bien... » « Eh bien, je viens de remarquer que votre soi-disant Placer porte au bras droit une cicatrice qui remonte à partir du poignet et disparaît sous la manche retroussée. Or, il est hors de doute que la blessure reçue jadis par John Warney a dû laisser une cicatrice en tout point identique à celle-ci. » En entendant ces mots, Pascog tressaillit. « Imbécile que je suis ! Je n'en suis même pas aperçu. Mais évidemment, c'est vous qui avez raison, monsieur Pinkerton, puisque vous avez vu la cicatrice. » D'ailleurs, la ressemblance existe, très lointaine, il est vrai, mais enfin, elle existe, le fait est indéniable. Par conséquent, c'est vous qui êtes dans le vrai. Et cet homme est bien John Warney. Il n'y a pas de doute, monsieur Pascog. Vous voyez que j'avais deviné juste, en prévoyant que cet homme chercherait à s'introduire ici, sous un déguisement quelconque et sous un faux nom, pour pouvoir procéder à coup sûr. Et justement, monsieur Tuckerton rentre aujourd'hui à Somersworth, sans se douter que son implacable ennemi, qu'il a déjà blessé une première fois, est de nouveau près de lui, se préparant à renouveler son crime. « Qu'il essaye donc d'approcher notre maître ?» s'écria le vieillard d'un ton menaçant. « Que faut-il faire ? L'arrêtons-nous tout de suite ? Non. Il vaut mieux que nous le prenions en flagrant délit. Si nous l'arrêtons maintenant, il niera tout avec obstination et en fin de compte, le jury sera obligé de l'acquitter, faute de preuves matérielles. Indispensable pour prononcer une condamnation, quelle qu'elle soit. Que faire alors ? Ne pas perdre ce coquin de vue. Soyez tranquille, monsieur Pascog, je réponds de votre maître, et il ne lui arrivera pas le moindre mal. À quelle heure, monsieur Tuckerton, doit-il arriver ? Je ne sais pas exactement. J'ai envoyé l'automobile devant la porte de l'hôpital, et quand monsieur Freddy en sortira, elle le ramènera ici. Eh bien, venez. Vous allez me conduire au bâtiment où couchent les moissonneurs, et vous me montrerez quelle est la chambre occupée par le soi-disant Placer. Je vais procéder à une perquisition dans ses effets. Je serais fort surpris si je n'y trouvais pas un manteau noir, un chapeau de feutre mou et un masque noir. Pascog obéit et conduisit le détective dans le bâtiment où se trouvaient les chambres des valets et des journaliers. « Voilà, dit-il, la chambre de Placer est au second étage, à gauche, chambre numéro 3. Montez seul, monsieur Pinkerton, Moi, je retourne là-bas, je ne quitterai plus ce gredin des yeux, car j'ai peur qu'il ne se doute de quelque chose et qu'il ne s'enfuit. Il vous a vu tout à l'heure vous arrêter et le regarder. Rien que cela peut suffire pour éveiller sa méfiance. » Et le vieillard, traversant la cour en toute hâte, retourna du côté des champs. Pinkerton, demeuré seul, monta la chambre occupée par le faux placeur. Les effets du moissonneur se trouvaient dans une grande salle doublée de fer et extrêmement lourde, que formaient plusieurs serrures fort compliquées. Malgré son habileté, il fallut un certain temps au détective pour venir à bout à l'aide de ses fausses clés. Mais sa persévérance fut récompensée. Tout au fond, sous le linge et les vêtements, le maître ne tarda pas à découvrir ce qu'il cherchait, le manteau noir, le masque noir et le chapeau de feutre mou. La seule présence de ces objets dans la malle de Placer était une preuve irréfutable de sa culpabilité. Aussi, le maître résolut-il de procéder à son arrestation sans attendre que le misérable eût le temps de se livrer à un nouvel attentat contre Freddy Tuckerton au moment où celui-ci rentrerait chez lui. Mais, tandis que le détective était en train de procéder à cette perquisition, les événements allaient se précipiter. Freddy Tuckerton était bien parti de l'hôpital en automobile. Mais à quelque distance du domaine, il était descendu et avait ordonné au chauffeur de passer devant. Puis, appuyé sur une canne, il avait pris le chemin de la ferme. Il se proposait de surprendre le vieux Pascog en lui montrant combien il était redevenu alerte et vigoureux. Le vieux régisseur, de son côté, était en proie à une profonde émotion. Il était convaincu maintenant que Placer n'était autre que John Warney, et il sentait monter en lui une colère sans bornes contre ce bandit qui avait essayé si traîtreusement d'assassiner son maître. C'est dans cette disposition d'esprit qu'il arriva au champ où Placer était encore en train de hisser les gerbes sur la charrette. Quand il vit arriver Pascog, le moissonneur eut un sourire railleur, puis il donna de nouveau à sa figure l'expression stupide sous laquelle il dissimulait sa véritable physionomie. Mais Pascog, cette fois, ne fut pas dupe de la comédie. Ivre de fureur, il s'avança vers le drôle et, le saisissant au collet, lui cria « Inutile de feindre plus longtemps. Je vous ai reconnu et je sais qui vous êtes. Vous êtes John Warney, et c'est vous !» Il ne put en dire davantage. Le misérable, d'abord paralysé par la stupeur, avait immédiatement recouvré son sang-froid. Levant ses deux poings, il laissa retomber comme deux marteaux sur le crâne du vieillard, qui tomba évanoui sans même pousser un cri. Warney jeta alors sa fourche et se mit à courir de toutes ses forces dans la direction de la ferme. Après ce qui venait de se passer, il comprenait qu'il n'y pouvait pas rester une minute de plus. Mais avant de s'enfuir, il voulait monter dans sa chambre pour y prendre divers objets, en particulier le manteau, le chapeau et le masque, dont la découverte eût été singulièrement compromettante pour lui. Au moment où il entrait dans la cour de la ferme, le jeune Tuckerton, appuyé sur sa canne, y pénétrait d'un autre côté. Il s'arrêta, surpris, en apercevant ce balai qui lui était totalement inconnu. Warney ne lui laissa pas le temps de le questionner. Il bondit sur le jeune homme, qui était bien loin de s'attendre à pareille agression, et d'un coup de poing l'étendit sur le sol. C'est alors que le misérable, au paroxysme de la rage, conçut un hideux projet qu'il mit aussitôt à exécution. Tuckerton était tombé à côté d'une grange devant laquelle se trouvait une charrette chargée de paille. Warney souleva le jeune homme, toujours évanoui par les épaules, et le traîna jusqu'à la charrette. Là, il le glissa au milieu des bottes de paille, si bien que seuls les pieds du malheureux Tuckerton dépassaient. Puis, tirant de sa poche une boîte d'allumettes, il mit le feu à la paille. Il recula d'un pas et contempla avec une joie féroce les progrès de l'incendie. Le personnel, tout entier occupé au champ, n'avait plus le temps d'accourir au secours de l'infortuné Freddy, qui était voué ainsi à la mort la plus horrible. Mais Pinkerton se trouvait encore dans la chambre de Warney. Il vit tout à coup une lueur rouge illuminer la pièce. D'un bond, il fut à la fenêtre, et d'un seul coup d'œil, il embrassa la situation. Transporté de fureur, il s'élança dans l'escalier, et arrivé dans la cour, se précipita vers la voiture en flammes. À tout prix, il fallait sauver l'infortuné, qui, immobilisé par toute la paille pesant sur lui, ne pouvait se dégager lui-même. Le détective saisit les pieds de Tuckerton, et appelant à lui toute sa vigueur, il essaya de retirer le malheureux de dessous le chargement de paille enflammée. Mais déjà Warney accourait, brandissant une lourde hache. Il avait d'abord voulu fuir en passant par une remise qui bordait la cour sur l'un des côtés. Mais, en se retournant, il avait aperçu le détective. Saisissant une hache, qu'il vit à terre, il s'élança pour frapper Pinkerton et l'empêcher de sauver sa victime. Le détective, d'abord surpris, se retourna contre ce nouvel adversaire et une lutte s'engagea dont l'issue ne se fit pas attendre longtemps. Le maître, en effet, saisit le bras qui tenait la hache et de l'autre main, il asséna sur le front de Warney un coup de casse-tête si violent que le misérable tomba comme une masse. Puis d'un bond, il revint à la voiture où la flamme continua à faire de rapides progrès. En dépit de la chaleur intolérable que dégageait ce brasier, Pinkerton parvint à dégager le corps du jeune homme et à le déposer en lieu sûr, non sans être cruellement brûlé aux mains et sur plusieurs parties du corps, mais qu'importait. Dans les champs, les ouvriers avaient aperçu les flammes et maintenant, de tous les côtés, on accourait. On éteignit l'incendie, tandis qu'au milieu de la désolation générale, on étendait Tuckerton sur un brancard et on le portait jusqu'à sa chambre. Il fallut toute l'autorité de Pinkerton pour empêcher les moissonneurs et les valets de faire prompte justice en lynchant le misérable John Warney. Celui-ci fut condamné à 15 ans d'emprisonnement. Les motifs de sa double tentative d'assassinat étaient bien ceux que Nat Pinkerton avait devinés et avait expliqués au vieux Pascog. Hâtons-nous de dire que Freddy Tuckerton et le régisseur se remirent complètement des secousses de ces terribles journées et que tous deux s'honorèrent de demeurer les admirateurs enthousiastes et les amis fidèles du détective Nat Pinkerton. Ainsi s'achève La Voix du sang, une enquête de Nat Pinkerton, le plus illustre détective de nos jours.